Chapitre 10. Foutrelle, Poteau et moi nous haïssons Ucelin. Ucelin nous hait tous les trois. Jeanne et René l'aiment, mais René hait Poteau et Jeanne me hait. Aux prises avec ses idées, Fouvarque cherchait en vain à s'en évader. Et il se sentait conciliant, parce qu'il avait besoin de calme. Il avait terminé la décoration de la salle de spectacle. La route, qu'il fendait par le milieu, filait à ses côtés un ruisseau clair. Instinctivement, il portait la main à son portefeuille où les trois billets reposaient. Et il répétait « Foutrelle, Poteau et moi nous haïssons Ucelin, Ucelin nous hait !» N'importe, demain il se lèverait dès l'aube et il peindrait. Cette pensée l'exaltait. Et deux ou trois fois il se surprit à courir. « Tiens-toi, vieux, prends patience » disait-il. Mais ses jambes se hâtaient, une volonté sourde l'emportait. Il tenta d'ordonner ses réflexions. Certes, il vaudrait mieux être tous de bons amis, se dit-il, mais si c'est impossible, ah, si c'est impossible, il faut que chacun s'arrange. Le bonheur se joue comme une partie. Je pousse mon jeton sur l'échiquier, on l'entoure, on le guette, on veut me l'enlever, hop, nous sautons pieds joints dans une case moins convoitée. À 300 mètres, la maison parut de face. On eût dit, dans le soir tombant, que les murs blancs penchaient en arrière et se soulevaient pour respirer. Elle est mystérieuse, la maison. Pas de lumière aux fenêtres, c'est curieux. Est-ce que tout le monde serait parti? Quel crépuscule immense! Il leva les yeux. Le ciel s'ouvrit à son regard comme un trou, et une seconde, il eut la sensation d'être enlevé tout droit, de bas en haut, et absorbé par l'infini. La racine de ses cheveux se glaça. Ses pieds étaient déjà loin sur la route. Aux heures de travail, quand un objet vous jaillit des mains, ou simplement lorsqu'on cultive son potager, même lorsqu'on enfonce un pieu à grands coups pour renforcer la palissade, on a l'illusion d'être l'ami de la terre, l'ami du ciel et des nuages. Mais ce soir, Fouvarque se sentait étranger. Est-ce qu'il avait jamais songé à la mort jusqu'ici? D'où vient que ce soir il voyait passer là-haut des processions blanches? D'où vient qu'il se sentait mince, mince et léger, léger comme un fil? Soudain, il fit un bond. Une main s'était plaquée sur son épaule. Une voix dans l'oreille lui avait crié « Cours !» Il courut, les jambes folles. Il pesa sur la grille qui céda sous son poids. Une ombre faisait des gestes sous les arbres. « Ucelin !»« Ça ne veut pas, » répondit Ucelin. Ils se regardèrent de près. Une main où se ramassaient les dernières lueurs du jour, semblable à un astre, se leva entre eux et désigna une fenêtre. « Pierrot !» murmura Fouvarque, qui avait oublié son enfant. Une voix lourde tombait dans le jardin. De là, elle rampait jusqu'à la route. « C'est la poule grise qui va dans la vigne, va pondre un coco que Pierrot mangera tout chaud. » Ucelin accompagna Fouvarque dans la salle à manger. Poteau errait parmi les meubles. « Pierrot !» balbutia Fouvarque en jetant son chapeau. Ses larmes remontaient brusquement au gosier, s'en égouttaient maintenant une à une à l'intérieur de lui. Mais son œil restait sec et luisait fiévreusement. La litanie de Jeanne recommençait. Foutrelle, debout au milieu de l'escalier, où il se trouvait depuis une heure, ne se décidait ni à monter ni à descendre. Fouvarque gravit les dernières marches trois par trois. Son angoisse devenait terreur à mesure qu'il s'approchait de Jeanne, le centre du drame. Il heurta René dans le couloir. Il demanda « Pierrot ?»« Il dort, » fit René. La chambre dans l'ombre rappelait un repère souterrain, un coin de caverne. Les deux fenêtres la clouaient contre le ciel. Sur le lit large et bas, Jeanne, les cheveux défaits, était primitive et tragique. Elle appuyait son buste droit aux oreillers. Les jambes étendues devant elle, elle tenait dans ses bras l'enfant, enveloppé d'une couverture de laine, couleur ambre clair. Elle le berçait, son buste oscillait à droite, à gauche, dans un mouvement régulier, simple et grand. « C'est la poule grise qui va dans la vigne, va pondre un coco que Pierrot mangera tout chaud. » Fouvarque s'arrêta une minute à la porte. Ce beau spectacle, en même temps qu'il déchirait son cœur, exaltait son esprit. L'enfant ne se plaignait pas. Jeanne regardait devant elle. Dans l'oscillation de son buste, son regard traçait et retraçait sans cesse le même demi-cercle. De ses yeux grands ouverts, des larmes tombaient par grosses gouttes sur la couverture de laine qui les buvait sans bruit. Elle n'eut pas un geste à l'entrée de Fouvarque. Il sentit cette indifférence. Il se troubla. Le chant de Jeanne continuait à rythmer la douleur de la maison. Elle avait créé cette plainte plus émouvante que toutes les musiques du monde. Lui, dans sa douleur, n'inventait rien. Il s'approcha du lit prudemment, feutrant ses pas, confus de n'être que le père de l'enfant, alors que Jeanne en était la mère. « Jeanne, dit-il, je vois, ça ne va pas pour petit Pierrot. Tu peux pleurer, tu peux chanter, c'est nécessaire et c'est beau. Mais je te dis une chose, moi, et tu peux me croire, Jeanne, c'est que petit Pierrot guérira. » Les larmes silencieuses débordaient des paupières bistrées. Jeanne entendait-elle ? La tête haute, le regard fixe, elle balançait son buste. Cependant, comme mû par un mécanisme, le chant souleva sa lèvre et jaillit. « Pierrot le mangera tout chaud, il deviendra un gros lapin. Il deviendra un gros Pierrot, sa maman l'aimera bien. »« Ah oui, tu peux le dire, » reprit Fauvarc, la face contractée par un rire atroce. « Tu peux le dire et le redire, qu'il deviendra un gros lapin, avec de bonnes jambes encore. » Moi, je le vois courir comme un vrai lapin blanc qu'il est, comme un lièvre. » Grisé par ces mots, il fut pris d'espoir surnaturel. Les courses à travers bois, la gymnastique sur les cerisiers, le potager saccagé, les chaises, les tables renversées et patatras, la vaisselle par terre. Il vit toutes ces images autour du battement désordonné de deux petites jambes musclées. Son rire grandit. « Alors c'est vrai, tu as peur ? Ah ah ah ! Est-ce qu'on peut avoir peur pour un gaillard de ces deux trempes ? Jusqu'ici, ce n'était qu'un petit lapin à deux sous. Même pas deux sous, mais demain, Jeanne, tu le verras, ton grand lapin. Tu verras quel grand, quel magnifique lapin ce sera. Moi, je le vois courir, courir, et personne ne le rattrapera. » Tandis qu'il parlait, le chant était reparti. Il cheminait sur la route, jusqu'où ? Et en regardant les grands yeux de la mère, puis en regardant l'enfant, une idée frappa Fauvarc. Est-ce qu'il serait déjà mort ? Un frisson d'horreur le secoua. Son cœur, ignorant comme ses yeux, comme ses mains, comme son cerveau, pris d'épouvante, se mit à battre fort. Il se pencha lentement. Plus il s'approchait du corps emmitouflé, plus l'idée de cette mort s'ancrait en lui, plus il la trouvait en harmonie avec l'étrange spectacle. Il songea que personne dans la maison ne le savait, que lui-même avait parlé pour consoler, et que Jeanne seule gardait son secret et berçait le cadavre en ses bras comme une folle. Et dans le court trajet qu'il avait à faire pour atteindre l'enfant, il eut encore la pensée contraire, que toute la maison savait, que lui-même allait savoir dans un instant, et que Jeanne seule ne savait pas, ne serait pas et bercerait comme une folle le corps inerte qu'elle croyait, qu'elle croirait toujours son enfant vivant. Soudain, il eut sur les lèvres la sensation d'un contact froid. Ses mâchoires se rivèrent l'une à l'autre. Son cerveau freina et, toutes ses pensées arrêtées, il reconnut le crâne de l'enfant. Il recula brusquement, le cœur glacé, jusqu'au mur où il se cogna. Comme il s'éveilla tout à coup en pleine nuit, Fauvarc s'étonna d'être dans cette chambre. Il se revit débarquant à la gare tout à l'heure. Le temps s'était dérobé sous lui. Il crut qu'une main puissante l'avait soulevé de terre, et par-dessus la route projetée contre le mur où il venait de s'écraser.